Bah oui, ça, ouais, c'est ouais, tu vois bien, tu vois le gars qui filme là l'enfant qui tape sa mère et il regarde bien la caméra là comme le qui le défend. Et après quand t'as vu de mère, comment tu fais? Il y a les dessins animés qui sont bien à la télé. Ah ouais. Ah ouais, il y a Olivier Tom sur Art. Pokémon. Mais lui il a 7 ans autant que sa télé. Regarde ce que la télé est devenue. La télé réalité. Juste d'avoir ce fils. Tu peux pas devenir star sans rien faire. Si vous préférez votre chien à votre mari et que la nuit vous le faites dormir dans votre lit, si vous souffrez d'être beau et attirant et que vous souhaitez devenir l'air repoussant, vous avez 60 ans, on vous en donne 20 et vous sortez en boîte avec vos petits enfants, vous n'aimez pas, vous rêvez de tuer votre voisin, vous intéresserez sûrement la télévision. Si à 100 kilos vous rêvez de grossir, 30 ans et 30 kilos vous rêvez de maigrir, vous êtes une femme mais vous vous appelez Charles ou un homme et votre prénom c'est Chantal. Si votre gosse de 9 ans vous raquette, s'il hurle, vous bastonne et n'en fait qu'à sa tête, s'il vous force à faire ses propres devoirs, s'il vous met au lit avant qu'il ne sorte le soir, votre nom de famille, vous en souffrez, car vous êtes monsieur con ou monsieur raté. La télé vous offre votre quart d'heure de gloire, de nos jours même tes défauts peuvent faire de toi une star. Tu vas te passer à la télé, pour ça t'es prêt à faire des trucs de fêlé. Ton intimité tu veux dévoiler, les détails de ta vie tu veux déballer. Tu rêves, tu rêves de passer à la télé, pour ça t'es prêt à faire des trucs de fêlé. Ton intimité tu veux dévoiler, les détails de ta vie tu veux déballer. Si vous êtes riche, beau et célibataire, et vous rêvez de voir votre fortune se dilapider en pension alimentaire pour une femme qui n'en voulait qu'à vos thunes, je vous assure, la télé peut vous arranger ça. C'est même vous qui choisirez celle qui vous dépossédera. Une fois le cœur brisé au bout du rouleau, vous pourrez vivre enfin une vie de char clos. Vous êtes sportif et en bonne santé, vous êtes un aventurier, votre truc c'est le danger. Téméraire, toujours en quête de sensations, vous rêvez d'être allongé, le corps recouvert de serpents. Car vous cherchez à vous dépasser, et surtout à la télé vous voulez passer. Manger au menu limaces et asticots, déguster et après la grimace, la gastro. Vous êtes moche, elle est belle, c'est fou, et à vrai dire, elle n'a jamais voulu de vous. Dernier recours, l'inviter sur un plateau et devant la France entière, prenez un râteau. Tu rêves de passer à la télé, pour ça t'es prêt à faire des trucs de fêlé. Ton intimité tu veux dévoiler, les détails de ta vie tu veux déballer. Tu rêves de passer à la télé, pour ça t'es prêt à faire des trucs de fêlé. Ton intimité tu veux dévoiler, les détails de ta vie tu veux déballer. Votre couple fonctionne à merveille, mais ça vous gêne. Vous vivez en harmonie, heureux, fidèle. La télé se propose de vous séparer dans la douleur, mais sur une île de toute beauté. Si votre meilleur ami, l'hygiène, ne connaît pas, il pue de la bouche, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Vous ne savez pas comment lui dire, ça vous gêne, pourquoi pas. À une heure de grand audimat sur une chaîne publique. Eric, t'as une haleine de coyote, alors fais un effort, si jamais t'es mon pote. Eric, acceptera-t-il cette brosse à dents? Suspense avant la pub télévision. Ça vous fait rire, mais ce que je dis reflète vraiment ce qu'on peut voir chaque jour et chaque nuit sur le petit écran. Pourtant le monde baigne dans l'ignorance, les gens manquent d'ouverture, de science et de connaissance. La télé les abrutit, on leur fait peur, leur intelligence est mutile. Peu de choses utiles, beaucoup de futiles. On préfère le grossier plutôt que le subtil. Tu rêves de passer à la télé, pour ça t'es prêt à faire des trucs de fêlé. Ton intimité tu veux dévoiler, les détails de ta vie tu veux déballer. Tu rêves de passer à la télé, pour ça t'es prêt à faire des trucs de fêlé. Ton intimité tu veux dévoiler, les détails de ta vie tu veux déballer. Tu rêves de passer à la télé. Tapez 3. Mais pour Jean-Luc, l'appel est gratuit. C'est vous qui décidez.